cours numéro 38. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-Imam Abu Hatim ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dhikru al-hath 'ala luzum al-hilm 'inda al-adha. Le 37e chapitre sur luzum al-hilm 'inda al-adha. Ay lorsque l'insan il subit une injustice, adha, quelqu'un lui fait du mal, que ce soit avec une parole, que ce soit avec avec un fi'l ou autre, fa في هذا الحال الذي ينبغي ومن الأخلاق المهمة الفاضلة سي الحلم أي patienter. الحلم ça ressemble au صبر. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عرفه في شرح رياض الصالحين بقوله قال الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. الحلم c'est le fait de se maîtriser lors de la colère. كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب أو يمسك نفسه عند الغضب. C'est celui qui se maîtrise lors de la colère. C'est هذا الحليم القوي. فالحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب se maîtriser lors de la colère. فإذا حصل غضب وهو قادر على العقاب فإنه يحلم. Et lorsqu'il subit cette injustice, qu'il le met en colère, et il a la capacité de répondre, de punir celui qui l'a mis en colère, avec cette capacité, il s'abstient. C'est ça le hilm. Et c'est la différence entre le hilm ou l'ajz ou l'adhaf. Les ennelbard, ils ne répondent pas lorsqu'ils subissent une injustice. Ça les met en colère, là, qu'ils ne répondent pas par faiblesse. C'est une faiblesse. Amma, celui qui a la capacité de répondre, et il s'abstient, lillahi azza wa jal, et parce qu'il a, il a hadhihi sifa, as-sifa at-tayyiba dans son cœur, al-hilm, fa, li hadha al-hal, c'est très très méritoire, bien sûr, et il y a une énorme récompense, comme ça ya'ti ma'ana, inshallah. والله سبحانه وتعالى في القرآن لا سيتي هؤلاء ceux qui ont cette caractéristique de patienter lors de la colère. قال عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين et c'est ceux qui se maîtrisent. الغيظ c'est ça ressemble au غضب lors de la colère. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Il se maîtrise et كذلك il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib hadhihi as-sifat. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Ça fait partie de l'ihsan, de se maîtriser, de pardonner, d'avoir de la miséricorde envers les autres. Thumma Ibn Hibban il a cité un hadith qu'on lit. قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن قتيبة قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. Ce hadith il est ضعيف. Et المحقق il a cité la référence. السلسلة الضعيفة. Le hadith numéro 5646, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a dha'af et il a montré al-sabab, la cause. On peut citer à la place un hadith sahih, an Ibn Umar, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min jura'atin a'zam ajran indallah, min jura'ati ghaydin, kazamaha abdun ibtiga'a wajhillah. Ça fait partie des œuvres dont l'abd il peut espérer une énorme récompense. Abdun, كظم غيظه قال من جرعة غيظ كظمها عبد اي سعبد كي سابستيان alors qu'il est en colère alors qu'il a subi une injustice لكن il se maîtrise il ne se précipite pas ففي هذا الحال قال ابتغاء وجه الله avec هذا الشرط avec cette condition si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala فلا شك ان هذا العبد il aura une énorme récompense. هذا الحديث il nous montre ماذا il nous montre ان المؤمنون qui ont هذه الاوصاف الحلم والعفو والتأني والرحمة c'est pas une faiblesse ابدا بل on a cité le hadith c'est ça la véritable force. Et ceux qui se précipitent, qui veulent se venger à tout prix, et leur vengeance les pousse à dépasser les limites, c'est ça la faiblesse, ne pas se maîtriser. On doit tous faire des efforts. Et هذا الباب المهم et نسأل الله عز وجل السداد. الحديث qu'on vient de citer, رواه ابن ماجه الشيخ الألباني لا صحح. قال ابن حبان رحمه الله فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضي الفعل عظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه رفيع المكان الحليم إلي ركوني حتى عند الناس الناس إزام من اتصف بالحلم إزام ceux qui pardonnent ceux qui patientent ceux qui ne se précipitent pas قال محمود الأمر مرضي الفعل قال والحلم اسم يقع على ذم النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما يحب إلى ما نهي عنه. Ça c'est un autre تعريف que l'imam Ibn Hibban il a cité. C'est un تعريف جميل. اسم يقع على ذم النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما يحب. Et quand ton nefs elle est touchée par une chose qu'elle n'aime pas, une parole, un geste, un comportement. Et min tabi'at al-insan annahu il se met en colère et se mettre en colère c'est naturel c'est normal lakin celui qui se maîtrise qala dhamm an-nafs 'an al-khuruj 'inda al-wurud 'alayha dhidd ma yuhib ila ma nuhiya 'an il se maîtrise et dépasse pas les limites comme min an-nas ils subissent des injustices haqqan ils sont vraiment opprimés lakin leur réponse kadhalik c'est de l'injustice. Leur réponse كذلك c'est من التجاوز c'est le fait de dépasser les limites. فلنحذر الإنسان si il est على حق فسي une نعمة فهي doit préserver cette نعمة. Tu es على حق سيأتي معنا أن ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de repousser le mal أبدا. لكن chaque chose a sa place كما سيأتي في هذا الباب إن شاء الله. قال رحمه الله واسم الحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبت. الحلم c'est un اسم qui englobe beaucoup de معاني. لا شك أن ça ressemble à la patience. كذلك ça englobe الأناة. الأناة c'est le fait de ne pas se précipiter. والتثبت le fait de vérifier. لأن كم من الناس ils sont touchés par un mal et à cause d'un manque de تثبت ils ne vérifient pas. Peut-être qu'ils se vengent, ils punissent celui qui n'a rien commis, un innocent. هذا c'est من الظلم. أما بالأناء والسكينة والحلم. الإنسان il attend, il vérifie et il fait les choses بعلم. قال على معرفة avec science, avec preuve. Inch'Allah تعالى il s'écartera de l'injustice. Il préservera les autres de son mal, il se préservera lui-même. قال ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة والحلم أجمل ما يكون في المقتدر على الانتقام. هذا واضح سكونا سيتي في تعريف شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أي القدرة. أما celui qui n'a pas la capacité de répondre هذا c'est ضعف. Même s'il voudrait répondre, même s'il voudrait se venger, même s'il voudrait punir celui qui l'a mis en colère, ما يستطيع, il n'a pas la capacité. Peut-être qu'il n'a pas assez de courage. Enfin, في حاله, c'est pas Mahmoud, c'est pas un wasf Mahmoud. Là, s'il a subi une injustice, il est opprimé. Lakin, le fait qu'il ne réponde pas, c'est pas parce qu'il a ce bon comportement-là. Il ne répond pas par faiblesse et par incapacité. فلهذا قال ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة. C'est ça le حلم. Il pardonne l'afou, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, alors qu'il a la capacité. Et ça montre le khuluq hadha l'insan. Et ça montre qu'il a une nafs tayyib. Il peut répondre. Il peut se faire justice. Il peut se venger. Lakin, il pardonne. Lillah. Et ce qui aide fi hadha l'bab, c'est hadha l'ikhlas. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité fi l'hadith. Et ibtira awajhillah. Amma, celui qui pense qu'à lui, qui veut se venger que pour lui, qui pense qu'à son nefs, il aura beaucoup de mal à faire ce sacrifice. Limada, l'anahu, il pense qu'à lui. Enfin, si quelqu'un le touche, bi kalima ou biché, que ce soit avec une parole ou autre, enfin, directement, il voudra se venger. Et tu trouves, kadhir min haoula, en général, kama taqaddam, il dépasse les limites. Amma, celui qui fait l'illah, qui pardonne l'illah, qui espère la récompense, qui connaît qadr nafsi, il se connaît lui-même. Son nafsi ne mérite pas tout ça, même s'il a subi une injustice. Enfin, ça arrive. Et le fait de pardonner, il y a une énorme récompense. Hada la shaka annahu, il aura beaucoup plus de facilité. قال أبو حاتم رحمه الله إن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع قدره أن الله جل وعلا تسمى به أي نعم vu que في حق الله عز وجل c'est un attribut parfait et Allah subhanahu wa ta'ala il possède tous les attributs parfaits فتسمى به ça fait partie des noms d'Allah عز وجل الحليم كما في قوله عز وجل والله غفور حليم وقوله عز وجل والله غني حليم dans plusieurs versets ان الله سبحانه وتعالى c'est le حليم et dans l'explication des noms d'Allah سبحانه وتعالى تقدم معنا المعنى معنى هذا الاسم le sens de son nom ان الله عز وجل c'est le حليم اي انه اي كم من عباده كما قال ابن حبان si on continue قال ثم لم يسمي الحليم في كتابه احدا او لا الى باسيتي نعم او بعد ولم يكن الحلم نعم سهل اون لو سيت هنا ان معنى الحليم اي الله سبحانه وتعالى كم من عباده ان لو يوبيس باي لو ديزوبيس بل بعضهم الا انسل بعضهم يسموك بعضهم يكومبات سيزالي او بعضهم Ils font jamais al-munkarat ou al-ma'asi, délaissent les obligations, etc. Ma'a hada, Allah subhanahu wa ta'ala, kathir min haoula, il ne les châtie pas directement. Il leur laisse du temps. Bel, certains de ces êtres humains, avec tout ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les châtie pas, bel, il les guide. Ça, c'est min al-hilm. L'an Allah azza wa jal, il est capable de tout. Et certains, bien sûr qu'ils méritent le châtiment avec tout ce qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait les châtier directement. Chaque être humain qui fait une désobéissance, Allah, il pourrait le châtier direct. Lakin, ma'a hadhihi al-qudra, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'afou. C'est le karim. C'est arhamur rahimin. Donc, avec hadhihi al-ma'ani, tu comprends mieux hadha al-ism. قال ثم لم يسمي بالحلم في كتابه أحدا إلا إبراهيم خليلة وإسحاق ذبيحة نعم ابن حبان رحمه الله هنا أفاد أن في القرآن الله سبحانه وتعالى il a qualifié personne de حليم parmi ses créatures sauf إبراهيم et son fils إسحاق قال حيث قال إن إبراهيم لأواه حليم وقال فبشرناه بغلام حليم أي إسحاق أما قوله وإسحاق ذبيحة هذا معروف أنه سمنتقد أن الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن الذبيح سيت إسماعيل الذبيح أي celui que الله سبحانه وتعالى il a ordonné d'être sacrifié أي il a ordonné إبراهيم de sacrifier son fils بعض العلماء قالوا إسحاق c'est un قول ضعيف كما قال هنا ابن حبان Et le sahih, c'est que c'est Ibrahim, et que c'est Ismaïl ou la Shak. Il n'y a aucun doute. Et le muhakkik, رحمه الله دون ما نسخة نبه عن هذا. ومن أفضل من بين وتوسع avec plusieurs points pour montrer que الذبيح c'était pas إسحاق, c'était son grand frère إسماعيل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ابن القيم رحمه الله dans زاد المعاد il a détaillé هذا, il a prouvé avec des arguments, des preuves claires que الذبيح c'était إسماعيل. قال ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا. نعم أن الحلم ça pousse à beaucoup de خير. Celui qui ne se précipite pas, qui patiente, فلا شك أن ça va lui éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de معاصي. كم من الناس يقعون في المعاصي, que ça soit injustice, ça soit des insultes, ça soit de la médisance, ça soit des accusations infondées, etc. à cause d'un manque de hilm. فالحلم هو الصبر, patienter, ne pas se précipiter, réfléchir, ça aide beaucoup المؤمن. قال لك لكان الواجب على العاقل لا يفارق الحلم. On doit tous faire des efforts. Et au départ, c'est assez difficile. خاصةً بعض الناس ils ont هذا الخلق سجية جبلة. أي depuis qu'ils sont petits ils ont شيء من الحلم. هؤلاء ils ont beaucoup plus de facilité. Ils patientent كثيراً, ils ne se précipitent pas, ils sont calmes. والبعض ils sont c'est l'axe. أي ils se précipitent, ils réagissent très très vite. Ils ont un manque de patience claire. فلهذا قال ما وجد إلى استعماله سبيلا. لكن on doit tous faire des efforts. قال والحلم سجية أو تجربة أو هما. الحلم إما سجية, سجية أي الإنسان خلق بهذا الخلق. C'est naturel. أو تجربة, ça vient avec l'expérience. أو les deux. على كل حال on doit faire des efforts. On a déjà fait la remarque, Nassid, dans quel chapitre, et Ibn Hibban, il a cité dans plusieurs comportements. Certains comportements, pour certains, c'est naturel. Maintenant, le fait de ne pas beaucoup parler. As-samt. Ils ont hada depuis qu'ils sont tout petits. Mais chez certains, c'est un manquement des fois, c'est un défaut. Il faut parler, il faut intervenir, ils ont du mal. لكن quand il faut se taire, ils ont beaucoup de facilité. Ça, c'est naturel. D'autres, c'est le contraire. Ils ont beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à se taire. لكن, que ce soit pour le hilm, que ce soit pour cet exemple qu'on vient de donner, le fait de beaucoup parler, ou plein d'autres comportements qu'on a vus dans ce livre, ne pas rester sur cela. Matalan al-Bardi disent, mais moi, je suis comme ça. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Dans notre famille, on est comme ça. مثلا la colère, le fait de beaucoup parler, le fait, c'est pas une excuse هذا. لا, on doit جاهد faire le jihad هذا النفس. On doit faire des efforts. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. سيأتي معنا حديث أبي ذر رضي الله عنه. Donc ça montre أن العلم c'est بالتعلم. أما celui qui fait pas d'efforts il ne pourra pas apprendre. فهكذا الحلم بالتحلم. Des choses, il faut faire des efforts pour les avoir. Ce qu'on appelle jihad ou al-nafs. قال رحمه الله والحلم سجية أو تجربة أو هما. كذلك قوله تجربة أي avec l'expérience. فهذا ça prouve أن الإنسان en général, خاصة celui qui fait des efforts, il s'améliore avec l'âge. لا شك أن les personnes âgées, elles patientent beaucoup plus dans certaines choses que certains jeunes. L'imam Ali en a l'expérience. Il a connu. Il faut l'expérience de la vie, des choses qui lui arrivent dans sa vie pour qu'il comprenne. Matalan, il s'est précipité, il a fait certaines choses, il a manqué de hilm, de patience, ça lui a fait beaucoup de mal. Avec le temps, il se corrige. C'est neuf. L'expérience avec l'âge, l'insan, il apprend beaucoup de choses. Lakin, on fait des efforts في العلم. on fait des efforts fil ilm pour apprendre. C'est un bab et c'est une sifa qui fait partie de notre din. Enfin, on doit faire des efforts pour l'acquérir, pour essayer de la mettre en pratique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. وأنشدنا المنتصر بن بلال الأنصاري صافي الصديق بوده وإذا دان شبرا فزده واحلم إذا نطق السفيه فمن يرد جهلا يجده. كلام جميل. صافي الصديق بوده أي سوا فيريديك dans l'amour que tu portes à ton frère مؤمن الصدق يفو الصفاء. Ama avoir plusieurs visages, ayadun billah, avoir des relations avec certains que pour profiter de choses fi dunya, ton malheur de la difficulté l'insan échange, ça c'est pas une ukhuwa sadiqa, c'est pas une fraternité qui est fondée sur le haqq et sur la véracité. Qala wa idha dana shibran fazidhu hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan. C'est ton frère Dana Shibran, il se rapproche. Shibr, c'est une unité de mesure. Idha dana Shibran, fazidhu. S'il se rapproche, mathalan, d'un pas, anta, ajoute-lui. Il se rapproche, kadalik, sois reconnaissant. Anta, kadalik, il a fait un pas, fais un pas, si tu peux en faire deux. Wa hakada, qala wa hlum idha nataqa saviyah. C'est ça, shahid, de l'bayt. Idha nataqa saviyah. تقدم معنا صفات الأحمق اللئيم les personnes mauvaises les faibles d'esprit les pervers فهؤلاء إذا نطقوا s'ils se prononcent وحلم إذا نطق السفي فأنت ne le suis pas dans son injustice. Il va jurer, il va mentir, il va accuser, il va crier, il va lever la voix. في هذا الحال الحلم c'est très très profitable. قال وحلم إذا نطق السفيه فمن يريد جهلا يجده. لأن هذا السفيه va se calmer. Il va se calmer. خاصة si en face de lui il trouve quelqu'un avec هذا الحلم, avec la patience. Sans se laisser faire. أبدا. لكن la patience et عدم العجلة, ne pas se précipiter. فهو il va trouver ce qu'il cherche. S'il le trouve pas vers toi, il le trouvera vers un autre. Et là, chacun de sa vie, il ne recherche pas où la patience, le calme, là. Il provoque pour pouvoir arriver à certaines choses. Enfin, il trouvera quelqu'un d'autre. Qala, akhbarana Muhammad ibn Ali, al-Sayrafi, bil-Basra, qala, haddatana ibn Abi al-Shawarib, qala, haddatana Abu Awana, an Abd al-Malik, ibn Umair, an Raja, ibn Haywa, an Abi al-Darda, رضي الله عنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتوخى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه. نعم هكذا أو يوقه. نعم بسكون الواو. قال ومن يتقي الشر يوقه أي من الوقاية. هذا الأثر جاء مرفوعا عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة رضي الله عنه. الشيخ الألباني لا حسن. Donc, cette parole, إِنَّمَا الْعِلْمِ بِالتَّحَلُّمِ إِلَىٰ آخِرِهِ, Huna ibn Hibban, il a rapporté un abidhar, et sa parole, et dans d'autres masadirs, dans d'autres livres, dans d'autres références, أنه, c'est un hadith du prophète, عليه الصلاة والسلام. إِنَّمَا الْعِلْمِ بِالتَّحَلُّمِ. Ça nous montre, أنه, pour acquérir un khayr, il faut faire les causes. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a cité deux exemples, العلم والحلم. Al-ilm, c'est la clé du bien. Chaque adoration, elle est fondée sur al-ilm. Et al-ilm, كذلك, c'est une des bases dans le comportement. Enfin, ces deux choses, al-ilm ou al-ilm, il faut faire des efforts. Amma, celui qui ne fait pas d'efforts et il veut apprendre, il veut comprendre, il ne pourra pas. Innama al-ilm bit-ta'allum. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا c'est pour motiver الأمة les croyants. أنا si tu veux une chose fais des efforts. وإنما الحلم بالتحلم أي أحيانا tu auras du mal à patienter face à certaines injustices, certains mots, certains comportements. Tu sens que tu veux réagir très très vite. même si tu as du mal, même si c'est difficile, إنما الحلم بالتحلم. Tu t'imposes هذا. بعض الناس, c'est quoi la différence? Comme on a cité précédemment, بعض الناس, ils n'ont pas besoin de faire cet effort. واحد qui parle, qui est injuste, qui dit des mauvaises choses, et هم, ils gardent leur calme. Pas un mot. هكذا, c'est naturel. لكن, كثير من الناس, là, c'est le contraire, ils veulent très très vite réagir. Et في هذا الحال, si tu fais هذا الجهاد, et tu te retiens, voilà, chacun a la récompense, elle est beaucoup plus grande. قال ومن يتوخى الخير يعطى. Encore, c'est encore plus vaste هنا. Et le khair, ça englobe l'ilm, ça englobe l'ilm, ça englobe tout le bien. Enfin, celui qui recherche le bien, il le trouvera. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera. Celui qui a une bonne intention et qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. قال ومن يتقي الشر يوقى. وهكذا, celui qui fait des efforts pour s'écarter du mal sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il le préservera. قال وانشدني الكريزي إذا أنا كافيت الجهول بفعله فهل أنا إلا مثله إذ أحاوره. أي si je réponds et je rentre dans le jeu et je me laisse aller, je dépasse les limites comme al-jahoul. Al-jahoul, c'est sa vie, c'est l'ahmaq, celui qui n'a pas de limites, celui qui pense qu'à faire du mal, mauvais comportement, etc. Si tu deviens comme lui, tu réagis comme lui. Elle est où la différence entre toi et lui? C'est dans ce genre de moment, ya ikhwan, que al-sadiq, al-sabir, al-halim, al-qawi, c'est dans ce moment, yadhar. Amma, quand tout se passe bien, c'est très très facile d'avoir un bon comportement. Batalan, tout se passe bien, tout le monde parle bien, personne n'insulte, personne n'est énervé. C'est normal, hada. Illa ahmaq min al-hamqa, qui perd ses moyens alors qu'il n'y a pas de raison. Hada, probablement, il y a un problème dans la raison. Mais les gens normaux, dans ce cas, c'est normal. Lakin fi hada al-hal, jahoul, sa fille, qui te provoque une situation tendue. Fi hada al-hal, tu dois te maîtriser. قال ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحلم قاهره. Et ça, c'est une va'ida. أنه إذا طاش بالجهل طائش. أي واحد qui se laisse aller et qui insulte, qui provoque إلى آخره. Et أنت, si tu appliques هذا, قال فإني بالتحلم, فهو يبرد ses moyens, il s'énerve, il crie, il accuse, etc. Et أنت في المقابل, أنت en face de lui, tu as هذا الحلم. قال فإني بالتحلم قاهره. Tu auras le dessus très très vite. Même les gens, même ceux qui assistent, qui voient, ils iront d'où. هذا, il insulte, il a un mauvais comportement, et d'où هذا, il est calme. Voilà, chacun, tu prendras très très vite le dessus. Même lui, ça le touchera. Même lui, il va se sentir très très vite ridicule. Et il va se calmer. L'imam d'Alianahu, il ne trouvera plus rien à dire. Il va accuser, il va mentir, etc. Au moins, il va finir après. Voilà, chez. Fallait appliquer هذا, c'est muhim. قال وأخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. صحيح. علم بلا حلم c'est un énorme manquement. الحلم par rapport à l'ilm, c'est comme un vêtement. Al-Hilm, c'est, si on le compare, on a un corps, la science, et ce corps, il a besoin d'un vêtement pour l'embellir, c'est Al-Hilm. Fa'ilmun ma'a-Hilm, c'est très très profitable. Qala Abu Hatim, rahimahullah, al-Aqil, yelzam Al-Hilm, an-innas kaffa, fa'in sa'uba alayhi thalik, fal-yatahalam, li'annahu yartaqi bihi ila darajati Al-Hilm. Kama taqaddam ma'ana par rapport au hadith. Hey, on doit tous faire des efforts pour avoir هذا الحلم, cette patience, cette retenue, ne pas réagir directement. فإن صعب عليك, si tu as du mal, قال فليتحلم. Hey, insiste. Même ça peut arriver maintenant au départ, tu as eu un, un manquement, un manque de maîtrise, et tu commences à parler, ثم tu te rappelles, فتحالم, calme-toi, arrête. Ça, ça montre que tu essayes. قال لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم. Avec les efforts, alhamdulillah, tu arriveras à ce niveau, à cette patience, هذا الحلم. قال وأول الحلم المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الرضا ثم الصمت والإغضاء. Ça, c'est différentes étapes. المعرفة, c'est العلم, c'est la connaissance. ثم التثبت, être sûr. Pourquoi? لأن بعض الناس, ils réagissent très très vite et ils dépassent les limites كثيراً. Pourquoi? Les anomes, ils n'ont pas compris la chose à la base. Ils ont entendu une chose, ils ne l'ont pas comprise et ils réagissent, ils s'énervent. Alors que s'ils auraient pris un peu de temps, vérifier, ils n'auraient pas réagi de cette façon. Ça ressemble au sabr, le fait de se maîtriser. Rida, le fait d'accepter, d'être satisfait. ثم الصمت والإغضاء. Et ça, c'est important. الصمت, se taire. Il y en a dans beaucoup de situations, le fait de réagir trop vite, de parler, ça fait qu'aggraver les choses. قال وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان. C'est ce qu'on vient de citer il y a quelques instants. قال وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء. Ça c'est pas à l'itlaq. Aïe, l'ihsan, c'est forcément en une réponse à si quelqu'un te fait une injustice. هذا c'est pas à l'itlaq. Allah عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Ça montre أن الإحسان كذلك c'est في مقابل الإحسان. Maintenant, quelqu'un te fait un khayr et tu réponds par un khayr, enfin, c'est du ihsan. Lakin, là, il veut montrer quoi? Il veut montrer un darajat al-ula, les hauts rangs de ce comportement, ce chapitre al-hilm. Et beaucoup de gens, ils ont du mal à l'appliquer face aux injustices. Faliyada, si on relit, qala fa amma man ahsana ila al-muhsin. Taqaddam ma'na, hal jazaw l'ihsan ila l'ihsan. هذا bien sûr que c'est طيب. لكن dans ce point qu'il a cité, قال وحلم عمن لم يؤذيه. Là c'est beaucoup plus clair. مثلا واحد, il est avec une personne qu'il aime, qu'il respecte, et il a un très très bon comportement avec lui. Est-ce que dans ce cas-là on va dire mashallah, cette personne elle a beaucoup de hilm? Là, في هذا الحال, bien sûr que il est calme, il n'est pas énervé, il ne réagit pas, etc. Pourquoi? Parce que en face il ne subit pas d'injustice, c'est normal. قال فليس ذلك بحلم. Ça c'est pas du حلم. قال ولا إحسان. تقدم معنا التنبيه. أما face aux injustices, face aux accusations, خاصةً quand ça se répète, خاصةً quand c'est en public devant beaucoup de monde, ففي هذا الحال c'est très très difficile. إلا pour celui à qui Allah سبحانه وتعالى il facilite. قال ولقد حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا إسحاق بن زكريا قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا أبو عمر المازني عن وهب بن منبه أنه قال لابنه يا بني لا تجادلن العلماء فتهون عليهم فيرفضوك. نصيحة ابن وهب أو دو وهب بن منبه plutôt رحمه الله à son fils. Parmi les conseils qu'il lui a donné, قال لا تجادلن العلماء. Ne polémique pas avec أهل العلم. Un savant, c'est une chose, et un tas, tu réponds avec jidal. Mais j'ai entendu, mais pourquoi, mais parce que. Et من هذا الكلام. Là, le comportement avec العلم, il doit être en appliquant السكينة والهدوء. Et ne pas couper la parole. Et si الإنسان, il a une remarque à faire, il l'a fait بأدب وعلم. Amma jidal, min al jidal, par exemple, le savant il cite son avis, on lui a posé une question, il répond par rapport à ses connaissances. Et min al jidal al farir, c'est de dire mais un tel il a dit, mais un tel il a fait. Hada la la yambari avec ahl al ilm. Ça ne veut pas dire que tu dois suivre ce savant là. Lakin tu lui as demandé une chose, donc tu attends sa réponse. C'est pour ça que tu lui demandes. Enfin, attends sa réponse. Et après, personne ne t'impose d'accepter ou là la réponse du savant. Si elle est fondée sur Ad-Dalil, alhamdoulilah, on l'accepte. Et si le savant il s'est trompé ou autre, enfin, personne n'impose à personne d'accepter Hadallah. Ce qui est imposé à tout le monde, c'est de suivre le haqq, le Qur'an ou le sunnah. Lakin, on revient à cet exemple fil jidal. Al-Nalwa'd, il pose la question au shir. Alors, ils savent très bien la réponse du shir. Et ils veulent arriver à quoi? Ils veulent arriver au jidal. Lui dire, mais shir, en fait, un autre idi, un autre idi. Enfin, le shir, peut-être qu'il sait mieux que nous ce que les autres disent. Lakin, tu lui as demandé son avis, il t'a donné son avis. On fait attention à Hada. On fait attention à... الجدال مع أهل العلم قال ولا تمارين السفهاء فيجهل عليك ويشتموك. Ça c'est lié avec notre درس المراء. Ça ressemble au جدال كذلك. Ne polémique pas, ne rentre pas dans certains sujets avec السفهاء, avec les faibles d'esprit, avec l'أشرار. Pourquoi فيجهل عليك? Ils ne respectent pas les avis des autres. Il se précipite directement à accuser. Rabbama, il ne te laissera pas le temps de finir. Et à la fin, ils t'insulteront, ils t'accuseront. Rester avec Haoula, il y a un énorme darar. Rester avec Haoula, il y a un énorme darar. Les fréquenter, il y a beaucoup de méfaits. Le fait de rentrer dans certains sujets, et polémiquer, qu'il parle, etc. C'est pas profitable, il n'y a aucune faïda. Il y en a Haoula, c'est des ignorants. Et il mélange beaucoup de choses et il se précipite. Et Zid, comme a dit Wahb, rahimahullah, à son enfant, ils te feront du mal. قال فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رأيهم وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم. نعم, النجات, c'est de s'écarter de هؤلاء. النجات, c'est de s'écarter de الأشرار. Alhamdulillah, ahlul khayr, ils sont nombreux. Enfin, essaye de les fréquenter et tu profiteras d'eux. Vu l'ilm dans le comportement, etc. Amma, as-suvaha, ils sont kadalik nombreux à notre époque. Ihdar. Qala, wa la tahsabanna annaka idha mara'ayta al-faqiha idha zidtahu ghaydan da'iban alayk wa la tahmiyanna min qalilin tasma'ahu fayuqi'aka fi kathir takrahu wa la tafdah nafsak. Les touchfis à Ghaïdak. Ça, Kadalik, ça, c'est lié directement à notre sujet. On répète la dernière phrase. Wala tafdah nafsak. Ne te fais pas du mal à toi-même. Les touchfis à Ghaïdak. Pour apaiser ta colère. Sahih, ahyanan, tu es tellement énervé. Tu es tellement énervé. Tu sens que ça monte en toi, ça chauffe. Thumma, tu fais une chose. Et sur le coup, cette chose, elle te calme. Tu sens que ça t'a calmé. Lakin, plus tard, c'est une source de regret. On répète, wala tafdah nafsak. Ne te fais pas du mal à toi-même. Les touchfi ghaydak pour soulager ta colère. Là, si tu es en colère, akhil karim, applique sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme et il avait هذا الغيظ, هذا الغضب, حتى احمر وجهه, il a rougi son visage. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il était en colère. Enfin, il a dit à ses compagnons, je connais une phrase, une kalima. S'il a dit ce qu'il ressent, cette colère, cette chaleur en lui, tout ça va disparaître. Ils lui ont dit, c'est quoi, ya Rasulallah, قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça, c'est un fa'a al-ilajat. C'est le remède le plus utile contre la colère. Kadalik, on avait vu un chapitre sur al-ghadab précédemment lié à la colère. Et on avait cité plusieurs points. Le fait de ne pas rester dans le même endroit, de changer d'endroit, etc. Qala, wa rahimahullah, wa la tafdah nafsak. ولتشفي غيظك قال فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إياك حلمك. نعم, si un jahil il te fait certaines choses, applique le hilm. وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك. هذا كذلك, c'est نصيحة طيبة. n'attends pas de faire l'ihsan qu'un autre te fait l'ihsan. Là, ils font le khayr par rapport, c'est comme un échange. Si quelqu'un leur fait du bien, ils font du bien et ça s'arrête là. Là, on doit essayer de faire le khayr lillahi azza wa jal. Mais celui qui vit par rapport aux gens, toujours il regarde les gens, هذا il va être limité dans beaucoup de choses. Et كذلك ça peut toucher à sa sincérité. قال وما فضلك على غيرك فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك واعف عن من ظلمك وانفع من لم ينفعك فانتظر ثواب ذلك من قبل الله عز وجل. هذه نصيحة طيبة. فنطق قصد à tous, on doit tous faire des efforts, et notre intention ça doit être مرضات الله عز وجل, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفعل الخير, fais du bien, ne regarde pas les autres. Bardanas, ils sont limités dans le bien. Ou ils font beaucoup de mal. Pourquoi? Les anahum, ils regardent toujours les autres. Ils sont limités dans le bien. On vient de citer un exemple. Famadalan, on peut citer un exemple qu'on vit tous, tous les jours. Le fait de passer le salam. Le fait de passer le salam. Le fait de passer le salam, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Lakin, il y a énormément d'adj. Si tu dis assalamu alaikum, tu as dit hasana. Si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, 20. Si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. Donc, vu qu'ils sont toujours en train de regarder les autres, ils ne passent pas le salam, mais ils répondent si on lui passe le salam. Et répondre, c'est important, c'est obligatoire. Lakin, on voit comment ce musulman, il se prive. L'Anna, pour lui, c'est... Il vit dans... Si on peut dire l'échange. Tu me passes le salam, je te réponds, je te donne ton haq, ça s'arrête là. Mais si il voit le même frère et c'est pas le frère qui passe le salam, lui il le passe pas. Il va manquer beaucoup de hasanat. C'est pour ça que Ba'dou Salaf, ben Ba'dou Sahaba radiyallahu anhum, ils se rendaient au souk, au marché que pour passer le salam. L'imam al-Yada au souk, il y a énormément de monde. Et il sait très bien qu'au souk, au marché, il va rencontrer ses frères. Il va passer le salam à Hada, et au deuxième, et au troisième. Si il passe le salam à 10 personnes, s'il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ça fait combien? Ça fait 30 multiplié par 10, ça fait 300 hasanat. Et passer le 10 salam à 10 personnes, pour Obama, c'est en même pas une minute. Cette personne, thumma une autre. Hakada, ils réfléchissaient, hakada, ils arrivaient à faire du khayr. Kadhalik, le deuxième point, ils font beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que kadhalik, ils regardent les autres. Ils voient maintenant les autres faire une ma'asiyah, maintenant un crédit à la banque avec de l'usure, avec ce qu'ils appellent des fawaïd, des intérêts. Ils voient un premier, un deuxième, son voisin, son cousin, son frère, il a arrêté. Thumma, lui aussi, il le fait. Si tu lui dis, mais fulan, c'est haram, il dit, mais les gens, ils le font. Andoro. Si on a comme intention notre cause, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on revient au bien, on essaiera de faire le bien, même si les gens ils l'ont délaissé. Les gens ils passent par le salam, c'est leur problème. Si je peux les conseiller, je les conseille. S'ils passent par le salam, moi je passe le salam. Yawm al-Qiyama, ça sera utile pour moi. Wa hakada le mal, si les gens ils font, je sais que c'est haram, je le fais pas. Yawm al-Qiyama, tous ceux qui font ce mal, ils ne seront d'aucune utilité pour moi. Hada samin anfa' ma yakun pour toi, akhil karim. Cette فائده الامام ابن حبان الى السيتي هنا رحمه الله عليه قال رحمه الله وانشدني عبد العزيز ابن سليمان الابرش احفظ لسانك ان لقيت مشاتما لا تجرين مع اللئيم اذا جرى من يشتري عرض اللئيم بعرضه يحوي الندامه حين يقبض ما اشترى اي هذه النصيحه de ce poète عبد العزيز الابرش rahmatullah alayh, annahu nasiha de ne pas suivre la vague. Ihfad lisanaka in laqayta mushatiman la tajriyanna ma'a al-la'im idha jara. Ici, al-li'am, al-suwaha, ils ont pris certaines habitudes, ils font certaines choses, va ne suis pas la vague. Anta t'arfa' min hadha. Anta t'arfa' min hadha. Patiente, retiens ta langue d'Illahi azza wa jal. Et مع هذا الحمد لله repousse l'injustice avec le haq. قال ومن يشتري عرض اللئيم بعرضه يحوي الندامة حين يقبض ما اشترى. نعم أما faire comme اللئيم هو il a vendu son honneur, il a sali son honneur, il ne respecte plus son propre honneur. فأنت si tu fais la même chose, tu regretteras لأن ça fait beaucoup de mal هذا. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن نصر العنبري قال حدثنا علي بن الأزهر الرازي قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال سمعت ابن المبارك الإمام رحمه الله عبد الله يقول دعانا عبد الله بن عون إلى طعامه أن أدخل إمام il les a invités à manger. فكنا نأكل فجاءت الخادمة ومعها صحفة. Donc il les a invités, Abdullah ibn Aoun, il a invité Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres à manger. Et Al-Khadima, celle qui servait à manger, Faja'at Al-Khadima, c'était une petite fille, wa ma'aha sahfatun, fa'atharat fi thawbiha. Wa hadha sha'n al-banat. Les petites filles, elles n'ont pas encore d'expérience. Et quand elles portent une chose, elles ont beaucoup de mal à garder l'équilibre. Cette petite fille, عثرت في ثوبها, ses pieds se sont pris dans son vêtement. فسقطت الصحفة من يدها, donc elle a fait tomber le plat. فقال لها ابن عون مترس أزادي. مترس أزادي, c'est une kalima bi al-farisiya, c'est une parole en avec la langue perse. المحقق قال, il l'a traduite, لا تخافي أنت حرة. هذا c'est من الحلم. Ne se pas précipiter à insulter, à accuser. لماذا لأن هذا الإمام il a compris أن هذه البنت أولا elle avait une bonne intention, elle les aidait, elle les servait, et ثانيا ça arrive à tout le monde. Tout le monde est déjà tombé. فلهذا قال لا تخافي, n'aie pas peur. Aïe, c'est fait, c'est fait. هذا ça ressemble à la qissa de l'Arabie avec le prophète Mohammed alayhi salatu salam, quand un bédouin il est rentré au masjid et il a uriné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ses compagnons ils ont voulu intervenir, il leur a dit trop court, c'est fait, c'est fait. On doit trouver une solution pour plus que ça se reproduise. Ça fait partie de l'hilm. Attendre, il y en a, cette chose elle est faite. Maintenant qu'il a uriné, c'est trop tard. الآن on doit trouver une solution pour plus que ça se reproduise. أما l'urine هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, il leur a ordonné d'emmener de l'eau, ils ont versé de l'eau sur l'urine, et انتهى الأمر, c'est fini. هكذا l'histoire avec cette petite fille. Ils vont ramasser tout ce qui est tombé, et alhamdulillah, ils vont manger quelque chose d'autre, et la prochaine fois, elle fera attention, انتهينا. قال رحمه الله الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته ثم يحلم كانه يحلم هنا يحلم بالفتح قال ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. هذا الذي أذكر تقدم معنا dans باب العفو. أي et ça c'est un point كذلك très très important. Anna, quand tu es énervé, Akhil Karim, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala, combien de choses tu as faites qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains manquements, certains péchés, etc. Ma'ahada, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas châtié. Ma'ahada, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse du temps pour faire tauba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais tauba, il accepte ton repentir. Et même si tu ne fais pas de tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il peut te pardonner. Hilmun wa afun wa rahmah. Anta, si tu as cela dans ton cœur, ça va te pousser à avoir cette rahmah envers les autres. Wa ibn al-qiyam rahimahullah ta'ala afad dans un kalam jamil, an Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à son abd ce que le abd donne aux autres. C'est pour ça que dans plusieurs hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من ستر مؤمنا ستره الله. Dans l'autre hadith, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Vous avez remarqué que Dans plusieurs hadiths, Ibn al-Qayyim, il en a déduit cette parole, en Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera ce que tu donnes aux autres. Enfin, si tu as had al-hilm envers les autres, cette rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik, il te fera miséricorde. Si tu donnes aux autres, Allah il te donnera. Si tu patientes sur les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik, il aura had al-hilm ma'ak. Si tu caches les défauts de tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala il cachera tes défauts yawm al-qiyama. Fahadihi c'est une wasila min al-wasail al-mufida al-mu'ina ala iktisab al-hilm. Et les autres khuluq qu'on a cités. Ça c'est une cause pour nous faciliter à appliquer ces choses. Tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais telle chose, il te donnera telle chose et ça va t'aider. كذلك من الوسائل لأن هنا لسيتي إن هنا ابن حبان وبرجوتي التذكر الثواب se rappeler de la récompense. Ça facilite. أي ce qu'on avait cité, أن celui qui fait pour Allah سبحانه وتعالى فلا شك الناس أنه سوف le motiver. قال وأنشدني ابن زنجي البغدادي وما شيء أسر إلى لئيم إذا شتم الكرام من الجواب. أي la chose que اللئيم السفيه الشرير, il espère le plus, c'est que quand il te provoque, il accuse, il parle mal, que tu répondes. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Pour lui, il savoure, vu que c'est dans son sang, c'est son comportement, il aime cela. Il faut qu'il trouve quelqu'un pour débattre, pour accuser, pour polémiquer. Fahdhar de ne pas jouer le jeu de Haoula. Ihdhar. قال رحمه الله متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب. أما le fait de ne pas lui répondre, اعلم أنه c'est plus difficile, c'est plus dur pour lui que مر العذاب, qu'un châtiment très dur. Donc أنت, si tu lui réponds pas et tu gardes ton calme et tu te maîtrises, أولا tu as une énorme récompense. Thaniyan, tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik te pardonne et te fasse miséricorde. Thalithan, al haqiqa c'est une réponse à hada as-sabi. Annahu tu lui fais beaucoup de mal. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz qala hadathana Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad al-Azdi al-Kufi qala hadathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala an abih qala kuntu jalisan 'inda Ja'far ibn Muhammad wa rajulun yashku rajulan 'indahu yaqul qala li kadha wa fa'ala bi kadha. Donc un homme qui était avec Ja'far ibn Muhammad, kuntu jalisan 'inda Ja'far ibn Muhammad, et un homme n'a se plaignait auprès de lui. Ay un tel il m'a fait, un tel il dit sur moi, un tel. Fa qala lahu Ja'far il lui a répondu: ما أكرمك من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. Celui qui est juste avec toi, qui te fait du bien, qui a de l'ihsan, falhamdulillah, sois juste et كذلك fais du bien. ومن استخف بك, celui qui ne te respecte pas, qui se moque de toi, etc., فأكرم نفسك عنه. Ne rentre pas dans son jeu. أكرم نفسك, et ne salis pas ton honneur. Pourquoi? Parce qu'il te fait du mal. Des insultes, des mensonges, des accusations, des... Là, akrim nafsak. Lui, il est injuste. Fa anta, alhamdulillah. Tu es juste, tu es droit. Fa maîtrise-toi. Qala Abu Hatim, rahimahullah. Ma dhumma shay'un ila shay' huwa ahsanu min hilm ila ilm. Wa ma udima shay'un. Wa ma udima fi shay'in huwa aqbahu min adam al-hilm fil alim. Hada taqaddam. Ayla, le lien entre la science et l'hilm. ولو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصبر. Si le hilm il avait deux enfants, un de ces deux enfants ça serait l'aql, la raison, et l'autre ça serait la patience. فالعاقل الصابر إلى du hilm. وربما يدفع العاقل في الوقت بعد الوقت إلى من لا يرضيه عنه الحلم من لا يرضي عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح. فحينئذ يحتاج إلى سفيه ينتصر له لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم. Cette précision, أن أحيانا بعض الناس, si المؤمن se tait et il ne répond pas, alors mal il peut être encore plus grand. ففي هذا الحال ترك الحلم répondre, lakin sans perdre ses moyens, en se maîtrisant, fa hada c'est nafi' jiddan. Donc ne pas croire que dans tous les cas al-mu'min il doit se taire. قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. Celui qui se défend après avoir subi une injustice, فاولئك ما عليهم من سبيل. On peut rien leur reprocher هؤلاء. لكن en se maîtrisant, en restant juste. احيانا الحقيقة هذا ça fait partie de l'hikma. احيانا le savi il faut complètement l'ignorer. Ne réponds pas. Et si en te taisant ça lui fait beaucoup de mal, toi, tu sais qu'il va se taire, il va partir. Tais-toi. Le fait de se taire, ou peut-être qu'il va dire une deuxième parole, peut-être qu'il va faire un geste, peut-être qu'il va vouloir faire d'autres choses. Tu interviens en étant juste. Chaque chose à sa place. Par rapport à ce premier cours, ce chapitre sur l'hilm, beaucoup de points, on les a déjà vus auparavant. Et on peut conclure avec Samarat al-Hilm. Ça va résumer ce qu'on vient de voir. Anna al-Halim, celui qui patiente, celui qui se maîtrise, qui ne se précipite pas, qui ne perd pas ses moyens. Fa hada, al-haqiqa, il va bénéficier de beaucoup de choses ici-bas et dans l'au-delà. Parmi ces choses, awwalan, anna al-Hilm, c'est un sabab azim li nusratillahi azza wa jalla lil-abd. C'est une énorme cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala te secoure. Si tu es juste, tu patientes et tu te maîtrises, Allah subhanahu wa ta'ala te secourera. Comme جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai des proches, j'essaye, je fais des efforts pour les visiter et eux, ils coupent les liens. Je fais des efforts pour faire l'ihsan, leur faire du bien et eux, ils me font beaucoup de mal. Wa ahlum anhum. Ahlum, il a l'hilm. Il patiente, il se maîtrise, il ne répond pas. Wa hum yajhaloun alayya. Eux, ils se moquent des accusations. Il a cité sa situation. Et on remarque que هذا الصحابي رضي الله عنه il avait beaucoup de hilm. Et هذا الصحابي رضي الله عنه comme on a cité auparavant, il faisait l'illah. La preuve, il n'attendait pas en échange. Rome, ils ont rompu les liens, lui, il continuait à les visiter. Il se moquait, etc. Lui, il avait de la patience. Ça montre à nous, il espérait al-akhir. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa situation. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن كنت كما قلت أي si ce que tu as dit c'est comme tu prétends فكأنما تسقيهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك رواه مسلم. Tant que tu es comme ça, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit فالله سبحانه وتعالى te secourra, tu auras le dessus sur eux. Et ça nous montre un amin a'zam asbab al-nusr, c'est هذا الحلم. Ne pas croire que tu auras le dessus et que tes ennemis te laisseront si tu cries, si tu perds tes moyens, si tu bal هذا كثيرا, on le répète, c'est min al-dha'f, c'est beaucoup de la faiblesse le fait de perdre ses moyens. Amma هذا الثبات, le fait de garder son calme, le fait de œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la véritable force. Le hadith il est sahih muslim. كذلك c'est un sabab azim al-hilm lil-fawz yawm al-qiyam. C'est une énorme cause pour faire partie des gagnants, de ceux qui ont réussi yawm al-qiyam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man kadhama ghaydan wa huwa yastati' an يَنْفُذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ. Celui qui maîtrise sa colère, alors qu'il peut répondre, il a la capacité de se venger, de punir, de... Lakin, il se maîtrise pour Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ الْقِيَامَ, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appellera devant tout le monde. دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appellera devant tout le monde au jour du Qiyamah et il lui dira de choisir les hur qu'il veut, hur l'ayn. Et les femmes du paradis, il choisira celles qu'il veut. هذا فوز ولا شك. الحديث رواه الإمام الترمذي الشيخ الألباني رحمه الله إلا صحه. كذلك كسب الخصم والتغلب عليه. كذلك on peut rajouter إعانته على الخير. Et si tu vas avoir le dessus sur ton ennemi, sur celui qui veut te faire du mal. Et كذلك être préservé de son mal. بل être une cause pour que lui-même il revienne sur le droit chemin, al-hilm. قال الله عز وجل يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse de la meilleure manière. Enfin, il se peut que cette personne qui veut ton mal, il te déteste, il veut faire certaines choses, il a arrêté. Lakin si tu repousses de la meilleure des manières, tu ne te précipites pas. Bihilm, bon comportement, il se peut que cet ennemi, ça devient un allié très très proche. Et ça, la chakana, c'est une faïda azima. Ou alhamdulillah, et on passe au prochain cours, au cours suivant. Inch'Allah ta'ala.